Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous espérons que chacun de vous a passé un bon week-end. C'est pourquoi le Seigneur a conduit nos pas en ces lieux. Et pour cela, nous disons grand merci au Seigneur. Mais nous ne devons jamais oublier une chose. Chaque fois que nous venons ici, ou chaque fois que nous avons le souffle de vie en nous, c'est un grand signe d'amour de notre Dieu. Qui ne veut pas qu'il y ait des pertes dans son royaume. Il veut que chacun de nous arrive à la connaissance de la vérité et qu'il se repente pour être en ordre avec le Seigneur et que Dieu le sauve. C'est la chose la plus importante qui amène Dieu à nous conserver la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous pour la prière. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie au chapitre 2. Jérémie au chapitre 2. Jérémie à sura ya kimbili. Dans son verset 1. Musari ya kwanza. Jusqu'au verset 3. Ufika na musari ya tatu. Père céleste, merci. Baba wa kumbingu asante. Pour une belle soirée que tu nous as donnée. Depuis le matin, chacun était dans ses occupations. Mais tu as frappé à nos cœurs. Tu nous as donné une soif et une faim. Unatupatia kiu na njaa de venir ici pour écouter ta parole. Ya kuja hapa juu ya kusikiliza neno lako. C'est toi qui es le Dieu de tous les esprits. Wewe ndio Mungu wa maroho zote. Nous prenons nos âmes. Tunachukua manafsi zetu. Nous les remettons entre tes mains. Tunarudisha mikono yako. Pour que toi qui es le bon berger. Jue mwenye kuwa mchungaji mwema. Tu puisses nous paître selon ta volonté. Upate kutulisha kufatana na mapenzi yako. Nous sommes des hommes ayant beaucoup de problèmes. Tuku bantu wenye kuwa na mambo mingi. Des fois nous oublions que nous sommes mortels. Kila mara tukuna sababu asema tuku bakufa. Et que la mort peut nous emporter d'un moment à l'autre. Na alufu inawezi kutubamba saa yote yote. Et quand nous faisons cela. Wakati tunafanya. Nous commençons à nous conduire comme des insensés. Nous oublions tes commandements. Tunasabu tes commandements. Maamuri. Nous oublions ta parole. Tunasabu neno lako. Et nous allons loin de ta présence. Na tunenda mbali na uwepo wako. C'est pour cela que nous te demandons pardon. Ndio kwa maana tunakuomba usamaha. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous t'offensons, Seigneur. Kwani mnamna mmoja na ingine tulikosea. Viens, ô Père. Ukuje Baba. Viens guérir nos âmes infirmes. Ukuje uponye manafsi yetu ya ulema. Parce que nous sommes un peuple prédestiné à l'enlèvement. Ndio tuko bantu wenye utayarishiwa kunyanyuliwa. Nous ne pouvons pas y aller avec beaucoup d'imperfections. Atuwezi kwenda amo na mabuzaifu mingi. Rends-nous parfait en Christ. Ututugue kamilifu ndani ya Kristo. Et l'œuvre du calvaire aura son sens. Na kazi ya msalaba itakuwa na mafaa yayo. Bénis chacun de nous de manière particulière. Bariki kila mmoja wetu kwa namna ya pekee. Il y a des malades au milieu de nous. Kubagonja katikati yetu. Qui ont réellement besoin de ton soutien. Bale wanahitaji msaada wako. Assistez-les, Seigneur. Uwasaidie Bwana. Et guéris-les. Na uwaponye. Il y a des foyers qui sont troublés. Numa ndoa yenye kuwa na mvu mafuriko. Satan est entré au milieu d'eux. Shetani aliingia katikati yao. Et il a séparé les cœurs. Na anagawanya mioyo. Mais toi tu es un bon père. Wewe uko baba mwema. Tu peux réconcilier les cœurs. Unaweza kupatanisha mioyo. Pour la gloire de ton nom. Dieu a utukufu jina lako. Il y a les autres qui n'ont pas la possibilité d'entendre correctement la parole. Wengine hawana na bahati ya kusikiliza mzuri neno. Parce que Satan a aveuglé leurs oreilles, leurs yeux et a fermé leurs oreilles. Wani shetani anapofusha macho yako na kuzuia. Le comme tu l'avais fait avec les disciples. Vile ulifanya na wanafunzi. Descends ce soir. Ushuke mangaribi ya leo. Ouvre-nous l'esprit. Utufungue roho. Afin que nous puissions comprendre correctement les écritures. Ili tupate kuelewa mzuri maandiko. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tutasoma. Du début à la fin soit glorifié. Mwanzo na mwisho utukuzwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Te prions ainsi. Tunaomba hivi. Amen. Amina. Jérémie 2. Jérémie sura ya 2. Dans son verset 1. Onzième mstari ya kwanza. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Neno ya wa milele ikanifikia mimi semo. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Wende na ulalamike kumasikio ya Yerusalema. Ainsi par l'Éternel. Ivi wa milele anasema. Je me souviens de ton amour. Mina kumbuka mapendo yako. Lorsque tu étais jeune. Wakati ulikuwa kijana. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Nakumbuka mapendo yako wakati ulikuwa mwenye kuchumbiwa. Quand tu me suivais au désert. Wakati ulikuwa unanifuata mujangwa. Dans une terre inculte. Mu bulongo bukavu. Le Israël était consacré à l'Éternel. Israël alikuwa mwenye kutolewa kwa wa milele. Il était le prémisse de son revenu. Alikuwa malimbuko ya mapato yake. Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous avons montré dimanche que Dieu sécurise. Ya kwamba Mungu yuko na kinga. Dieu garde. Mungu yuko na chunga. Dieu protège. Mungu yuko na linda. Tout homme ou toute femme. Mwanaume wote wala mwanamke wote. Qui se refuse derrière lui. Ula yanafuchama kumkongo yake. Aussi longtemps que quelqu'un s'humilie devant la parole de Dieu, il met sa confiance en l'Éternel, Dieu devient son refuge. Dieu devient son sauveur et son bouclier. Il n'y a rien que Satan peut faire contre cet homme. Kitu kile shetani anaweza kufanya kwa huyu mtu. Les ennemis de cet homme seront les ennemis de Dieu. Badui ba huyu mtu bakuwa ni badui ya Mungu. Et il marchera dans toute sécurité. Na atatembea katika ukingo yote. C'est vrai, frère. Bya kweli ndugu. C'est ce que nous avons vu dimanche avec Israël. Mais nous avons montré que c'est pendant la période de bénédiction que très souvent les gens abandonnent Dieu. Quand un homme, une famille, un peuple, un pays est béni matériellement, il prospère, il est en bonne santé, il est dans la paix. Souvent, il finit toujours par abandonner Dieu et pour aller servir Satan. Il finit toujours par se corrompre. C'est une très mauvaise chose de faire, d'agir de cette manière. C'est vrai, frère. Quand quelqu'un prospère, il a beaucoup de biens, il voudra se faire un nom. Il veut même se faire adorer. Il devient très orgueilleux. Il veut dominer les autres. C'est vrai, frère. Et en faisant cela, il oublie totalement Dieu. Il oublie la parole. Ou il oublie les voix de Dieu. Il oublie Dieu qui est même la source de toute sa bénédiction. L'église est avec moi. Ce n'est pas pour rien. Dans Deutéronome au chapitre 8. Dans son verset 6 jusqu'à 19. Dieu avertit Israël. Mungu anamkalamusha Israeli. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Utachunga wala utaheshimu amri ya wamilele Mungu wako. Pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Juu ya kutembea mu manjia yake na juu ya kumuogopa. L'Éternel nous exhorte à demeurer dans la crainte de l'Éternel. Il nous exhorte à marcher dans ses voies. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons craindre Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Nous devons marcher dans ses voies en tout temps, en toutes circonstances. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Car l'Éternel est ton Dieu. Va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau. Des sources et des lacs. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Des pays de froment. D'orge. Des vignes. Des figuiers. Des grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont de fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Je pense que chacun de vous est avec moi. Écoutez comment Dieu avertit Israël au sujet du pays dans lequel il amènerait. C'est un pays où Israël ne devait manquer de rien. Il y avait tout en abondance pour Israël. C'est vrai. Et Dieu l'a mené là-bas pour amener Israël au repos. Il avait beaucoup souffert avec Pharaon, avec les Égyptiens. Il voulait consoler leur cœur. Souvent c'est ce que Dieu fait avec les enfants de Dieu. Peut-être tu as passé des temps difficiles dans la vie. De fois une jeunesse malheureuse. Tu étais des fois méprisé de tous. Abandonné de tous. Mais la grâce de Dieu vient à vous. Par son amour. Après que vous soyez devenu chrétien. Et vous avez marché dans les voies du Seigneur avec fidélité, avec crainte et avec obéissance. À un certain moment, Dieu a compris. compassion de vous, il veut seulement essuyer tes larmes. Maintenant, quand la bénédiction de Dieu vient, l'homme naturel se comporte toujours en insensé. Il oublie souvent la source de la bénédiction et il commence à se croire que celui qui est la source de sa bénédiction. Non, bien-aimé, sœur. Dieu peut te donner un bon mari pour ta paix, pour ta bénédiction. Dieu peut te donner une bonne femme pour ta paix, pour ta bénédiction. Dieu peut te donner un peu d'argent pour soulager votre misère, pour alléger votre tâche. Mais les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi ici Dieu dit à Israël, attention, croyez bien de mes frères, je vais vous emmener dans un pays où vous mangerez du pain en abondance et vous ne manquerez de rien. Un pays de pierres de fer, un pays où il y a des froments, un pays où il y a d'orge, il y a des vignes, des oliviers et du miel. Pays où tu mangeras du pain en abondance. Mais écoutez le verset 20, le verset 10. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donné. Voilà ce que nous devons faire. Lorsque nous voyons Dieu dans notre vie, il nous accompagne avec une bénédiction, il nous amène la paix, il nous sécurise de toutes parts. C'est ça le moment favorable d'être attaché à la parole, d'être attaché à Dieu, de craindre le Seigneur, de marcher dans ses voies. Oui, bien de mes frères. Mais souvent les gens font le contraire. Au lieu de marcher dans la voie de Dieu, ils oublient tout. Dans le verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quand tu verras la main de Dieu dans votre vie, des fois tu viens d'une famille très pauvre, ton papa n'avait même pas un vélo, vous voyez, mais Dieu te donne un mari qui te sécurise, vous voyez. Peut-être tu viens d'une famille où ton papa n'a jamais payé même une brouette, mais à cause de ton respect à l'égard de la parole, Dieu bénit tes activités, tu deviens prospère et vous oubliez, tu oublies d'où tu es sorti. Vous voyez bien mes frères, et tu commences à te comporter comme un fou, comme si c'est toi-même qui étais Dieu. Non frère, non ma soeur, les richesses matérielles amènent souvent de l'orgueil dans les gens. Les richesses mondaines conduisent toujours les gens à l'oubli de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous rappelle cela. Dans son verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souvent quand les gens sont bénis matériellement, kila mara wakati watu wanabarikiwa kimwili, vous les entendez dans leur orgueil. Mutabasikia majivuno na kiburi yabo. Si moi je ne montais pas les camions, kama mishi kwanza kupanda miotokari, je dormais en brousse, nalikuwa nalala mupori, j'allais à Kasumbalesa, nalikuwa naenda Kasumbalesa, j'allais à Kabongo, nalikuwa naenda Kabongo, pour chercher du maïs et de l'huile, kutafuta miindi na mafuta. Si je n'avais pas fait cela, kama sikufanyia kivile, est-ce que j'aurais cet argent? Eti ningepata hii fedha. Mais le souffle et la force avec lesquels tu allais partout là, c'était le souffle et la force de Dieu. Si Dieu ne t'avait pas donné le souffle et la force, tu ne serais jamais parti partout là. C'est ce que Dieu rappelle à Israël. Quand tu es en bonne santé, ne pensez pas que c'est ton vouloir, c'est Dieu qui te donne la bonne santé. Lorsque tu as le souffle de vie en vous, tu es fort. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Tu l'as par grâce. C'est pourquoi crains l'Éternel. Dieu peut te ravir. Quand quelqu'un est riche, il pense que sa richesse est éternelle. Il n'existe pas de richesse éternelle. Tu peux perdre l'argent dans une seule minute. Tu deviens pauvre. Tu peux dire j'ai construit des maisons. Il n'y a aucune maison éternelle. Les tremblements peuvent venir. Et tout peut s'écrouler. Regardez en Syrie. Regardez les belles maisons. En étage. Ces ruines, ces ruines. Dieu peut provoquer une guerre. Et toutes les maisons seront en ruine. Nous n'avons rien à nous glorifier. Rien. Nous devons seulement honorer la parole. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Je pense que l'avertissement de Dieu est très clair. Très donc Dieu nous dit seulement que lorsque nous aurons sa bénédiction dans nos maisons, dans notre vie, c'est ça le temps favorable de les servir, de les craindre. Oui, bien-aimés frères, ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Ne commencez pas à mépriser les gens. Dieu donne du travail à ton mari. Il donne un bon salaire. Tu manges bien, tu dors bien. Tu commences à mépriser les sœurs ou les frères qui n'ont rien. Mais Dieu va chasser ton mari du travail. Pour que tu souffres, que tu sentes aussi ceux qui sentent, ceux qui sont en difficulté. Voyez bien mes frères, dans cette vie, rien n'est certain. Tout peut arriver. C'est pourquoi l'argent a des ailes comme la tête. Tu peux avoir des milliers d'argent et à un certain moment, ça vole. Hein? Et vous commencez à voir, mais j'avais beaucoup d'argent. Tu ne l'as plus. L'argent s'est envolé. Tu feras tout ce qui est à ton pouvoir pour récupérer votre argent. kurudisha fedha yako, vous saurez que vous enfoncez, utaona kwamba utaanza paka kujitumbukiza à cette époque-là. Kwani neema ya Mungu itakuwa inesha kuenda. C'est pourquoi soyons très sages. Jokamana tukwe ba hekima, intelligent, tukwe ba akili, craignons Dieu, tumogope Mungu, marchons dans ses voies, tutembe manjia yake, et la bénédiction de Dieu na baraka ya Mungu demeurera sur nous. Itadumu yulu yetu. N'oublions pas notre Dieu, n'oublions pas la parole au temps de la bénédiction. Dans Jérémie au chapitre 22. Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22. Verset 21. Je t'ai parlé dans les temps de ta prospérité. Nalisema nawe mwakati ya maendeleo ya kuwina kwako. Tu disais, ulikuwa nasema, je n'écouterai pas. Sitasikia kamwe. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Ni muina muna ulitenda tangia ujana wako. Tu n'as pas écouté ma voix. Weya ukusikilize sauti yangu. Quand quelqu'un est en paix, wakati mtu yuko katika salama, quand quelqu'un se sent en sécurité, wakati mtu anajiona kuwa katika ukingo, quand quelqu'un a des biens matériels, wakati mtu yuko na vitu mukimwili, quand quelqu'un est orgueilleux, wakati mtu ni wa majivuno wa kiburi, on peut être aussi pauvre matériellement, unaweza kuwa maskini mubintu, mais riche en orgueil. Lakini mutajiri mukiburi na majivuno. Quand quelqu'un devient orgueilleux, wakati mtu anakuwa wa majivuno, il n'écoute jamais. Hawezi tena kusikia. Tu peux parler. Unaweza kusema naye. On peut apporter des conseils. Unaweza kumletea mashauri. Les conseils tomberont dans ses oreilles comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est vrai. Quand quelqu'un est en bonne santé et qu'il est saisi de l'orgueil dans son cœur, il se croit être en paix, il n'écoute jamais. Nous le voyons, frère. Vous voyez un frère ou une sœur, il pose des actes contraires à la parole de Dieu. Anatenda bitendo byenye kwa kinyume na neno la Mungu. Le pasteur s'approche de lui pour lui dire. Pastori anamkaribia juu akumwambia. Frère. Ndugu zangu. Sœur. Dada zangu. Ce que tu fais ici, si unafanya hapa, n'est pas la parole de Dieu. Haina neno la Mungu. N'est pas la volonté de Dieu. Haina mapenzi ya Mungu. Abandonne ce que tu fais. Waache yenyewe unafanya. Tu es en train de briser la parole de Dieu. Ukunavunja neno la Mungu. Il n'écoutera pas. Hawezi kusikia. Surtout si dans son cœur. Zaidi kama mumoyo wake. Il a des visées charnelles. Eko na vifukuzio ya mwili. Il pense que dans ces visées la charnelle. Anawazia simu vifukuzio yake ile ya kimwili. Il recevra une bénédiction ou un profit. Il va gagner un profit. Atapatia mafaida wala baraka. Il fera un effort pour boucher les oreilles et ses oreilles. Atafanya nguvu yake yote apate kuvibia masikio. Tous les conseils de la parole de Dieu. Umashauri yote ya kutokea kuneno la Mungu. Et là il se sent très c'est très grave. Ni hatari. Tu appelles un frère. Unamuita nduku. Tu appelles une sœur. Unaita dada. Tu vois la voie que tu empruntes ici. Unamwambia. Unaona njia yenyewe unafuata. C'est la voie de la mort. Ni njia ya lufu. Abandonne ça. Wache njia. Et vous voyez là, l'homme ou la femme, tamono le mwanaume ou la mwanamke, bout de l'homme de Dieu, anakatala kumsikia mtumishi wa Mungu. Parce qu'il pense qu'il est plus intelligent, kwani anazania sema yeye kwa akili, il est plus sage que Dieu. Anakuwa wa hekima kumshindia Mungu. Il se sent très fort. Anajiona kwa wa nguvu. Cela est faux, frère. Bile ni vya bongo ni vibaya. Je vous conseille, vous tous ici, na mishauria nini wote hapa, ouvrez largement vos oreilles. Mufungule mzuri masikio. Si tu es un véritable chrétien, kama uko mu Kristo wa kweli, tu es une véritable chrétienne, uko mu Kristo wa kweli mwanamke, un berger te dit, mchungaji anakuambia, il t'instruit de faire quelque chose, anakuambia ufanye kitu fulani. Vous refusez l'instruction que tu as reçue de la part du Seigneur, maagizo, de la part du berger, qui est conforme à la volonté de Dieu. Na, tu ne méprises pas un homme, tu méprises Dieu. Pale weya umbeule mutu, na umbeula ni Mungu. C'est vrai, le pasteur ne te fera rien. Mais Dieu n'est pas content de toi. Au temps de Dieu, tu récolteras ce que tu avais semé. Ne soyons pas orgueilleux. Regarde comment David dit. David dit, moi je ne peux trembler qu'à tes paroles. Comme si toi, tu ne peux pas trembler devant la parole. Tu ne peux pas écouter la parole. Tu ne peux pas écouter tes bergers. Alors tu écouteras qui? Vous êtes habité par de faux esprits. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Non, frère. J'ai te parlé au temps de ta prospérité. Mais tu n'as pas écouté. Alakini augusikie. Nous regardons ça même dans l'église. Tukuna yona ata mukanisa. C'est lorsque quelqu'un est dans de grandes difficultés. Là, on voit les gens s'approcher des hommes de Dieu. Pour chercher la prière. Non, ça ne doit pas être comme ça. Aipa shifanyike vile mpendo anduku na dada. C'est une erreur que nous commettons. Ile ni kosa tukunafanya. Tu ne peux pas seulement écouter les hommes de Dieu. Awezi kusikia watumishi ya Mungu. Pendant la période de troubles. Mais quand tu prospères, là vous rejetez pale les hommes de Dieu. C'est vrai, Mungu, vous rejetez mbaya. Dieu, c'est là il faut. Ni Mungu lo nakatala, ni un chrétien Mukristo, écoute Dieu yeah, Mungu, en tout temps, yote, en toute circonstance, mambo yote, à tout, en tout moment, il doit yote écouter yote Dieu. Même si les conseils qui vous sont donnés sont contraires à vos intérêts, mais c'est conforme à la parole de Dieu, écoutez ce que Dieu dit et vous aurez la paix. C'est vrai, frère. Toi, tu ne connais pas l'avenir. Toi, tu es un aveugle. Mais ces yeux ne voient que là où il y a ton nez. Tu ne connais pas ce qui peut t'arriver demain. C'est seulement par orgueil que les gens refusent d'écouter Dieu. La prospérité n'est pas une bonne chose. Dieu te donne un bon mari qui te met à l'aise et vous profitez de sa gentillesse et vous cherchez à le dominer. Non. Apana. Israël a commis une grosse erreur. Dans Deutéronome chapitre 32. Je commence au verset 7. Nanzio mustari ya saba. Jusqu'au verset 18. Kufika na 18. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Ukumbuke maukumbusho yako masiku ile ya zamani. Passe en revue les années génération par génération. Urudhi yemuma miaka ile. Interroge ton père. Uliza baba yako. Et il te l'apprendra. Naye atakwambia yo. Tes vieillards. Wazee. Et ils te le diront. Nao watakuambia. Car le Très-Haut donna un héritage aux nations. Wakati wa milele alipatia urithi wa taifa. Car il sépara les enfants des hommes. Wakati alitenganisha watoto ya watu. Il fixa les limites des peuples. Aliweka mipaka ya watu. D'après le nombre des enfants d'Israël. Watana na wingi ya watoto wa Israël. Car La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Mais nous sommes la portion de l'Éternel. C'est pourquoi il tient à nous sécuriser. Il tient à nous bénir. Il veille à notre paix. Mais pourvu que nous l'écoutions et que nous marchions dans ses voies. C'est vrai, frère. Il a trouvé dans une contrée aride. Dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré et il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son nez. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Qui voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Et les prend. Les porte sur ses plumes. On n'a pas le temps de parler de tout ça. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Le miel qui sort du rocher n'est plus dur. La crème des vaches. Et le lait des brebis. Avec la graisse des agneaux. Des béliers des bagons. Et des boucs. Avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras. Israël en a quoi mnono. Et il a régimbé. Anakatala. Il est devenu gras et épais. Anakwa, et reflet. Mafuta na wabuzito. Et il a abandonné Dieu son créateur. Il a méprisé les rochers de son salut. Ula mwamba wokovu yake. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Walilamusha buifu yake kupitia miungu. Ils ont irrité par des abominations. Walimusirikisha kupitia makufuru. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux. Walitolea masanamu kwa ma à des dieux qui ne connaissent point. À des dieux qui ne connaissent point. Nous vont venir depuis peu. Et quand vos pères n'avaient pas craint, wakati baba yenu hawakuogope, tu avais abandonné les rochers qui t'avaient fait naître. Uriacha mwamba ile likuzalisha. Tu as abandonné les dieux, les rochers qui t'ont fait naître. Uriacha mwamba ile likuzalisha. Et tu as oublié les dieux qui t'ont engendré. Na unamsabu Mungu la likuzalisha. C'est vrai. La prospérité aveugle les yeux des gens. La bénédiction matérielle éloigne les gens de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Ozias. Ah, dans deuxième chronique. Mambo ya siku ya pili. Israël oublia son Dieu. Israël arimusabwa ka Mungu wake. Au temps de la paix, de la bénédiction. Wakati ya salama ya baraka. C'est vrai. Bia kweli. C'est vrai, ma soeur. Bia kweli, dada. Dans deuxième chronique. Mambo ya siku ya pili. Au chapitre 26. Sura makumi mbili na sita. Dans son verset 14. Mustari ya kumi na ine. Jusqu'au verset 16. Ici on voit Ozias. Ozias leur procura pour toute l'armée de boucliers. Ozias a calété à Jesu yote mzima des lances, des casques, mishale, des armes et des frondes. Israël se sentait en sécurité avec son roi. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin. Kavumu yake kenda mbali. Car kwani il fut merveilleusement soutenu. Kwani alishikamishwa kabisa. Il était merveilleusement soutenu par Dieu. Alimushikamisha Mungu alimushika. Jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Fika na pala akakuwa wa uwezo. Frère, ntuku, écoutez. Musikilize. La bénédiction de Dieu, baraka ya Mungu, ne t'enlève pas ton libre arbitre. Aikutoshi kipendaro yako. Même si tu es riche, hata kama uko mtajiri, Dieu te laisse toujours avec ton libre choix. Mungu anakuacha na ile kipendaro yako. Regardez ici. Tazameni hapa. C'est Dieu qui soutenait Ozias. Ni Mungu ndio alikuwa anamsaidia Ozias. C'est Dieu qui soutenait Israël. Mungu alikuwa anasaidia Israeli. Et la puissance qu'il avait venait de Dieu. Na uwezo yeye alikuwa nayo ilitokea ni kwa Mungu. La sagesse venait de Dieu. Hekima yeye alikuwa nayo ilitokea kwa Mungu. Le victoire venait de Dieu. Na ushindi kwa vita ilitokea kwa Mungu. Mais quand il est devenu puissant, wakati anakuwa sasa wa uwezo, il a mal exercé son libre arbitre. Sasa akatumikisha mubaya kipendaro yake. L'orgueil vient. Kiburi kunatokea. L'exercice wakati ile de notre libre arbitre. Wakati tunatumia mbaya ya kipendaro yetu. Nous exerçons mal notre libre arbitre. Wakati tunatumia kipendaro yetu mbaya. Nous voulons maintenant nous détacher de Dieu. Tunapenda tuachane na Mungu. Pour être entièrement libre. Tubakie kabisa kabisa Mungu. Pour ne rien faire cas au Seigneur. Na tushimfanyie Mungu kitu. Nous tombons. Ndio pale tunaanguka. C'est qui a fait tomber Lucifer. Ndio alimwangusisha Lucifero. Quand quelqu'un devient orgueilleux. Wakati mtu anakuwa wa matukio. Il veut se débarrasser de Dieu. Anapenda achane na Mungu. Quelqu'un devient riche. Wakati mtu anapenda se débarrasser de Dieu. Anapenda mwache Mungu. Anawazia kwamba il est fort par lui-même. Anakuwa na nguvu kwa yeye mwenyewe. Il est puissant par lui-même. Anakuwa wa uwezo kwa yeye mwenyewe. Il est riche par lui-même. Anakuwa mtajiri kwa yeye mwenyewe. C'est là où beaucoup de gens, je parle pas tout mingi, mort de la poussière. Peko naanguka mapombe. C'est là aussi où tu morderas la poussière. Je parle na wewe utangukia. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit ce soir. Kama usikie kile Mungu anasema magharibi yale. Na wewe utanguka mavumbi. Ton incrédulité kuamini kwako et ton orgueil na kiburi yako te payera itakulipa. Il fut merveilleusement soutenu akashikamisha mzungu il soit devenu puissant ufika na pala akakuwa wa uwezo. Mais lorsqu'il fut puissant wakati ile akakuwa wa uwezo son cœur s'éleva moyo wake kanyanyuka pour le perdre ya kumpoteza. Il pécha contre l'Éternel son Dieu akamtendea Mungu zambi. Ce n'était pas pendant la faiblesse. Haikuwa wakati ya udhaifu hapana. Quand il cherchait le secours de l'Éternel. Wakati alikwenda tafuta msaada wa Mungu hapana. Hapana. C'est comme on le disait dimanche. Paka vile tulisema siku ya Juma. Quand quelqu'un est pauvre. Wakati mtu ni maskini. Il s'appuie sur Dieu. Yeye anamtumainia Mungu. Parce qu'il sait que toute bénédiction vient de Dieu. Jana Dieu asema baraka yote inatokea kwa Mungu. Vous le verrez. Mtamuona. Très assidu au temple. Et qu'on a bidi ukanisa. Un homme de prière. Mtu wa maombi. Une femme de prière. Mwanamke wa maombi. Il s'efforce à honorer Dieu. Anajikaza mtii Mungu. Mais dès que seulement le matériel arrive, l'homme prend des distances avec la parole. Mais lorsqu'il est puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Quelle leçon, quelle bonne leçon. Hii ni majifunzo kani mzuri. Frère Gabi. Ndugu tazameni. Vous voyez l'Europe ici que nous voyons, que nous sommes en train de glorifier. Bulaya hii tuku naona, tuku nasifu na kutapa, Bulaya. C'est en Europe. Ni mu Bulaya. D'où vient tous les grands hommes de Dieu. Mwenye munatokea batumishi ya Mungu bote banene bakubwa. Lorsque l'évangile du salut, wakati injili ya wokovu, a quitté l'Orient à Jérusalem, il toka kwa asubuhi ku Yerusalem. L'Europe fut la première partie la plus évangélisée. Bulaya ikakuwa kipande ya kwanza ile ilihubiriwa sana. C'est pourquoi vous remarquerez tous les grands hommes de l'histoire chrétienne viennent de l'Europe. Tous les grands saints de la chrétienté viennent de l'Europe. Mais aujourd'hui, quand je vous parle, l'Europe se trouve dans quel état? Aujourd'hui, les Européens sont les plus grands incrédules, les plus grands pécheurs, les homosexuels. Aujourd'hui, les églises chrétiennes en Europe sont vides. C'est difficile en Europe. Vous trouvez une église comme mardi ici, les gens pleins comme vous êtes ici. Ça n'existe pas. Dans les églises catholiques sont restées des églises cérémoniales. Les gens vont seulement les jours de Noël, les jours de Pâques. Lorsqu'il y a certaines cérémonies, les jours de l'amour, tous ces démons-là homosexuels, c'est une église, c'est le repère de tous les démons. Ils se réveillent dans une seule journée, ils vont là, ils font leur messe pendant une heure ou deux heures. Dès qu'ils quittent la messe, ils retombent dans leur folie, dans leur abomination. Donc aujourd'hui l'Europe c'est l'enfer. Je me suis toujours étonné de voir des frères qui envoient leurs enfants en Europe. Très grave ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses désagréables. Un enfant Kambovu n'est même pas affermi dans les choses de Dieu. Je vais l'envoyer en Europe pour qu'il garde la foi. Très grave, frère. C'est une honte. Mais aujourd'hui, c'est là où viennent tous les mal du monde. Les gens marchent nus. Les gens couchent avec les chiens. Ils couchent avec des morts, des cadavres. Vous voyez, l'homosexualité, n'en parlons pas. Tout ce qui fait honte, qui faisait honte, fait la gloire des Européens. Pourquoi? L'Europe est tombée. C'est l'apostasie. Vous voyez, là où un réveil est passé, quand ces gens-là tombent, frères, ils deviennent abominables. Regardez les États-Unis. Les chrétiens qui étaient persécutés en Europe, par l'église catholique, qu'on appelle les protestants, envoyant la persécution, ils se sont dit, allons maintenant à ce nouveau continent pour adorer librement. C'est pourquoi quand vous voyez la constitution américaine, elle est entièrement fondée sur la Bible. Tous les présidents américains, ils jurent sur la Bible pour prêter leur serment. Mais regardez les États-Unis. Regardez aujourd'hui les États-Unis. Mangare leo America vile inakuwa. Les protestants sont devenus très corrompus. Ba protestante banaribika kabisa. L'Europe corrompue. Bulaya les États-Unis corrompus. America yenye kuharibika. Tout le monde est devenu abominable. Qu'est-ce qui a amené ça en Europe et aux États-Unis? C'est la bénédiction matérielle. Ils ont tout. Ils voyagent comme ils veulent. Ils mangent comme ils veulent. Ils ont la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, la liberté avec l'argent, la liberté avec l'aisance matérielle, avec une quantité de biens matériels, corrompre les gens. Vous écoutez les autres dire. C'est un Dieu, Jésus c'est un Dieu des Africains. Parce que s'il est malade, il a l'argent de se faire soigner. Anenda kujitunzisha na feza yake. Il a tout. Eko na biote. Il peut changer de voiture. Anaweza kubadilisha magari. Et Satan pour faciliter vie. Shetani jua kuwasaidia maisha. Il paye même des véhicules. Anauza ta gari. À crédit. Dans les pays développés, uma nchi ya kuendelea, tout se s'achète par crédit. Yote unaweza kuuza hata una na pesa kwa deni. Unaweza kupata cash, il refuse. Mumaduga unaingia sema nitauza na fedha hivi wanakataa. Hata Mwafrika kusini. Vous trouvez quelqu'un qui est capable de changer? Utakuta mtu ana uwezo. Chaque année. Ya kubadilisha gari yake. Kila mwaka. Il a un véhicule neuf. Kila mwaka yuko na gari mpya kila mwaka. Il peut aller au magasin mais s'il n'a pas l'argent. Ana yeskwenda kuduga ataka mana na pesa. Il peut s'inscrire. Ana diandikisha. Tous les mobiliers de la maison. Bana umpatia vitu vyote vya nyumba. Vyote vile anahitaji. Il vit comme ça. Yuko naishi hivi kwa deni. Il peut aller. Ana wezi kuenda. Il y a des magasins même on prend crédit à manger. Huko maduka mulo utachukua hata kwa deni vya kula. Les habits. Mavazi. Donc les habits. Mavazi. À manger. Vya kula. Le mobilier de la maison. Vitu ya munyumba. Tous ces dons vous avez même vous n'avez pas un sou. Hata kama una na fedha hata moja. Et c'est Satan qui les a facilité. Na ni shetani anawasaidia kazi kwa mwepesi. Les anges. Est un piège pour un homme inconverti. Ni muteko kwa mtu wasipo kubadilika, wasipo kugeuka kwa mini. Les démons que nous avons dans nos églises ici. Ma démone le tukunayo makanisa mwetu mu Mukongo. Sont des grands pasteurs. Ni ba pasteur banene dans tous ces pays développés. Kama bakienda mwile mainchi ya kuendelea. Les démons. Ma démona de nos assemblées. Ya makanisa zetu. Sont des pasteurs. Yo ni ba pasteur ba nene. De grande renommée. Ba makafumu munene. Dans des pays développés. Ma inchi ile ya kuendelea. La bénédiction matérielle. Ma baraka mukimwili. Allez en Afrique du Sud. Mwende mu Afrika kusini. Mais la femme, toutes les femmes appartiennent à tout le monde. Ba bibi bote ni babantu bote. Dans les pays australiens ici, une femme appartient à tout le monde. Bibi ni wabantu bote. Et ils appellent ça sincérité. Bobe naita sema ni waki. Tu peux rencontrer une femme n'importe où, tu lui dis, j'ai besoin de toi. Unaweza kutana mwanamke fazi yote unamkuta na umwambia nakuhitaji. Alors elle te répond. Ara kujibu. Pour le moment, je suis occupé. Sasa hivi niko na mtu mwingine. Je vis encore avec Joe. Ningariki naishi na Joe. Mais si tu peux m'attendre. Kama unaweza kunisubiri. Lorsque je ne serai plus occupé. Wakati sitakuwa na mtu. Alors je vous chercherai. Pale nitakutafuta. Tu peux me donner ton numéro. Unipatie namba yako ya simu. Unampatia namba ya simu. Votre numéro. Unampatia namba ya simu. Quand ça va barder de l'autre côté. Wakati aviendeke kule kingine. Ce n'est pas toi qui vas la chercher, c'est lui qui va te chercher. Yeye ndio atakutafuta sasa pale. Tu vois la perversion. Unaona vile uharibifu. Il y a des femmes. Huko bana mke. Elle a des grands biens. Eko na bitu mingi. Elle occupe de hautes fonctions. Eko na makazi mengi na autorité. Ni mtu mheshimiwa madaraka. Lakini mais abominable. Mtu wa makufuru. Il vit comme un cochon. Eko naishi sawa nguruwe. Un désordre sexuel que vous n'avez jamais vu. Qui n'existe même pas chez les animaux. Fujo, il a wezu kukuta ta kuba nyama. Tout ça c'est quoi? C'est l'aisance, la prospérité matérielle. On a tout, on a l'argent, on a la facilité d'avoir toutes choses, facilité de voyager, facilité de payer une maison, facilité de tout faire. Et Satan est entré. Quand vous avez l'argent, kuna fedha wala na vitu mkimwili. C'est le temps où il faut beaucoup veiller. Jo wakati ile inapashi kukesha kusopoka. C'est dans la folie. Tu usijitumbukize katika bazimu. Sawa na mla tujudi. Tukubrana maana isema kila mara. Dans soyez certains de Dieu. Mumahubiri mkuwe na hakika ya Mungu. Au paragraphe 19. Nukta yake 19. Il dit anasema que la présence d'une quantité de biens matériels uwepo wa vitu mingi mumwili ne signifie pas que vous êtes avec Dieu. Haimaanishi kwamba uko pamoja na Mungu. Hapana, hapana. Non. Hapana. Même la présence de Dieu matériel ne signifie pas que Dieu est avec vous. Non. Parce que les païens n'ont. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. C'est pourquoi l'homme le plus sage, dans Proverbe 30, l'homme le plus sage, il a fait une bonne prière. Dans Proverbe chapitre 30, dans son verset 7 à 9, je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Quelle bonne prière. Éloigne de moi la fausseté et les paroles mensongères. Première chose. Deuxièmement, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Pourquoi, Seigneur? Verset 9. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Kwa kuogopa katika wingi nishi ukatale. Vous voyez? Unaona? De peur. Kwa kuogopa dans l'abondance katika wingi nishi tereni. Nishi kukatale. Enedi na nishi sema. Qui est l'Éternel? Wa milele ni nani? Ou que voilà, dans la pauvreté katika umasikini que je dérobe. Nishibe. Et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Na nishi kombanishe jina la Mungu. Une bonne prière. Maombi mzuri. Une très belle prière. Maombi mzuri kabisa. C'est ce que nous devons demander. Jo ile tunapashi kuomba. Tushikwe bantu wa mafranga. Ne soyons pas trop riches. Ne soyons pas trop pauvres. Mais tukuye pakatikati. Nous soyons équilibrés. C'est pourquoi Jésus a dit. Ndio maana Yesu alisema. Si vous avez la nourriture et le vêtement, chakula na mavazi. Cela vous suffit. Ile inakuenea. Ça nous servira quoi d'avoir 2 milliards dans le compte. Ita tusaidia nini kuwa na mamilliard dans le compte, ça va t'aider à quoi? Ça nous aider à quoi? Ita kusaidia kunini? Mwangare même katikati yetu, nous même parmi nous. Regardez même parmi nous katikati yetu. Regardez quand quelqu'un seulement a un peu de moyens. Wakati mtu anakuwa kuna na kana na. De l'orgueil. Utaona ndani yake mnakuwa kiburi, atamosemea mnakuwa kiburi, atamnamna kuvaa mnakuwa kiburi. Voyez bien mes frères. Unaona mtu kumpendwa. C'est la voie de la mort. Ni njia ya lufu. Mais il a fait une très bonne prière. Alifanyaka maombi mzuri. Je ne veux ni être riche. Sipende kwa ni tajiri. Wala kwa maskini. Donne-moi une vie équilibrée. Unipache maisha ya kueneana. Ce qui me suffit. Ile inanienea tu. Quand je suis en difficulté. Wakati niko katika magumu. Unanipatia. Je satisfais mon besoin. Nafurahisha hitaji. Naendelea pamoja na wewe. Je ne veux pas dérober dans la pauvreté. Kuiba katika umaskini. On va mépriser ton nom. Batabeu on dira où est son Dieu. Batasema Mungu si l'Éternel m'a fait de Dieu. Kama kweli kweli kwa mtoto wa Mungu, voyez, wa Mungu. On va te mépriser. Je ne veux pas te faire mépriser avec ma pauvreté. Kipende bakubeule katika umaskini yangu. Unipache maisha yenye kueneana ya pakati. Si tu me donnes beaucoup. Ukinipatia mingi. À quoi me sert Dieu? Tasema Mungu atanisaidia tena kunini? Ça la prière que nous devons faire. Il est ton apache kuomba. Nous devons toujours être équilibrés. Ton apache kila mara avec tout ce qui tombe entre nos mains. Kabile biote tu napata mikono. Dans 1 Timothée, Timothée wa kwanza, Paul parle de cette écriture. Paulo naye anasemea yule iandiko. Dans Paul et dans 1 Timothée au chapitre 6. Timothée wa kwanza sura ya sita. Dans son verset 2, Musari ya pili. Je prends le milieu. Nachukua katikati ya mustari. Enseigne sévérité. Je lis dans la traduction pharaël. Nasoma ugeuza kwa pharaël. Enseigne sévérité Timothée. Ufundishe ima ukweli we Timothée. Et encourage chacun à y obéir. Na ukankamishe kila mtu apate kuiti. Certains s'y opposent. Bengine banaikombanisha. Et pourtant c'est le saint enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et le fondement d'une vie pieuse. J'aime beaucoup cette tradition. Japo njo mafundisho tu moya Bwana Yesu Kristo na maisha ya utawa. Quand on dit à certaines personnes, wakati tunaambia watu wengine, pas vous hâtez à vous enrichir. Mushikwe na haraka kutajirika. Ne vous livrez pas. Mushijitoe. Dans cette voie-là. Mwile njia ya kutajirika. Acha pasteur. Laisse pasteur. Wale wanangu kaka chini kengine. Ceux qui tombent, ce sont les autres. Non, c'est un mensonge, c'est de l'orgueil. Ni kiburi bule. Toi, tu n'es pas plus fort. Wa ushindie. Tu n'es pas plus fort que ceux qui sont tombés. Oui, a ushindie bale walianguka. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mbele. Oh, c'est parce que le pasteur mange. C'est pourquoi il parle de cette manière. Nous nous cherchons encore l'argent. Chitungani natafuta feza. Endele. Continue. Continue. Wendele. Enseigne ces vérités, Timothée. Et encourage chacun à y obéir. Quelles sont les vérités? Au temps de la paix, de ta bénédiction matérielle, écoutez Dieu. Ne soyez pas orgueilleux. Certains s'y opposent. Bengine et pourtant c'est le saint enseignement. Japo njo mafundisho moja yapo tu. Le saint enseignement mafundisho safi. Mafundisho safi tu. De notre Seigneur Jésus-Christ. Ya Bwana wetu Yesu. Et le fondement d'une vie pieuse. Na musingi ya maisha ya utawa. C'est vrai. Ya kweli. La bonne nouvelle. Habari njema. N'est pas pour ceux. Aina. La bonne nouvelle. Habari n'est njema. Pour eux qu'un moyen de gagner de l'argent. Éloigne-toi d'eux. Kwa bo yoni njia tu yabo kupata feza ukimbie wale batu. Voyez. Unaona? Mais ceux qui veulent devenir riches. Lakini wale wanapenda wakuwe watajiri. Commettent bientôt toutes sortes de mauvaises actions pour avoir de l'argent. Beko natenda aina yote ya vitendo vibaya juu wapate feza. Quand quelqu'un veut s'enrichir. Wakati mtu anapenda atajirike. Pour lui tous les moyens sont bons. Wake yote manamna yote pour avoir l'argent. Juu apate Il faut manger. Il te dira, atakwambia, d'abord que j'ai l'argent, mbele nipate feza, je me repentirai après. Mtatubu kisha yake. C'est pourquoi il ne résiste pas. Joko mana yeye ashishindane. Ces gens de tels gens ne résistent pas. Watu ya hivi washindane. Vous voyez, mnaona. Il commet toutes sortes de mauvaises actions pour avoir l'argent. Maina yote ya vitendo vibaya juu wapate feza. Ils se nuisent à eux-mêmes. Banajikosea bodo. Dirigent leurs pensées vers le mal et finissent par se perdre. Wanaongoza mawazo yabo mbubaya na. Car l'amour de l'argent wani mapendo ya pesa est le premier pas en direction de toutes sortes de péchés. Jo atua ya kwanza ya kwenda mwaina yote ya mazambi. Car seulement l'amour de l'argent s'élève dans votre cœur. Wakati tu mapendo ya fedha na l'amour de l'argent. La Bible dit, c'est le premier pas jo atua ya kwanza en direction ya kwenda de toutes sortes de péchés. Ya mwaina yote ya zambi. Il y a même des gens. Huku tena na watu. Que leur amour de l'argent bo, mapendo yabo ya fedha a détourné Dieu et qui sont ainsi accablés de nombreux tourments. Banasongo inabatosha kwa Mungu na banasongwa sana na mateso mingi, angaiko mingi. L'amour de l'argent. Mapendo ya fedha. Les autres sont morts. Bengine baisha kufa. Tout en cherchant cet argent là. Kutafuta ile fedha. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpe. Regarde même nos amis qui font les crésages. Angara taba ntuku wetu bena chimbura. Les crésages ont des principes. Beko na makanuni. Vaut mieux mourir avec l'argent. Iko mzuri nikufe na fedha. Plutôt que mourir pauvre. Kuliko nikufe maskini. Mais vous verrez quand les créseurs ont l'argent. Wakati ba créseurs wanakuwa na pesa. Ils les dépensent. Follement. Bana yaribu tu hivyo ovyo ovyo. C'est ça le diable. Jo shetani ule. Nous devons nous attendre à Dieu. On a pas kujongoja kwa Mungu. C'est comme je le disais le jour passé. Kupaka vile nalisema siku ilipita. Tu n'obtiendras utapata. Qu'est-ce que Dieu t'avait destiné? Utapata paka kile Mungu alikutayarishia. Si Dieu ne t'a jamais vu avec l'argent. Kama Mungu yeye alikuonaka na pesa. Tu peux faire ce que tu veux. Unaweza kufanya yote unapenda. Tu vas échouer. Hautapata kitu. Si Dieu ne t'a jamais vu travailler. Kama Mungu ashiakuonaka mkazi fulani. Tu peux avoir des relations comme tu veux. Tu ne travailleras jamais. Na mapatano na watu mingi lakini Et son ami lui dit, tu viens tel jour pour que vous commenciez le travail. Mais avant que l'ancien aille là-bas, Dieu coupe la tête de ce monsieur-là. Ce monsieur-là est mort à cause de l'ancien. Dieu dit, non, moi j'ai un travail avec lui, mais toi tu veux le retenir ici. C'est Dieu qui a tué ce monsieur-là pour que l'ancien n'ait pas du travail afin qu'il vienne vous servir. Avec son diplôme, il est là. Il vient de chaque fois en banda, qui tu m'as là. Il a mené des un bon endroit que Dieu l'a dit. Il puisse venir servir vos âmes. C'est l'endroit le plus meilleur. Un travail jusqu'à la fin de la vie. Kazi ni kufika na mwisho maisha yake. Yesu toujours servi de Dieu. Mpaka mkazi ya kumtumikia Mungu, unaona? Dieu a des plans merveilleux sur nous. Mungu ana mapu ya mzuri kwetu. C'est ce que nous voulons. Ndio ile tunapenda. Est-ce que l'Église avec moi? Sijue kama kanisa nafa. Niko na kawia pa hii bintu. Je m'attarde sur ces dans kawia pa hii mambo. Ce sont des choses qui sont liées à la vie courante. À la vie de tous les jours. Mais les gens oublient souvent. Lakini bile bantu weko na sababu kile mara. Oui, bien mes frères. Unaona ntuku mpeni. Attention avec l'argent. Attention avec la bénédiction matérielle. Quand tu vois ta femme, rêve le matériel. Sache qu'elle a un démon en elle. Ujue ya kwamba iko na demon ndani yake. Quand tu vois ton mari, wakati unaona bwana yako, il a trop de soucis pour s'enrichir. Anangaikia sana wile. Sache que ujue il cherche cet argent là pour votre malheur. Anatafuta ile fedha juu ya ole yako. Beaucoup de gens ont eu l'argent. Watu mingi walipata pesa, wanaacha babidi yako, wanaacha batoto yako. On a vu des couples qui avaient des bons témoignages. À cause de l'argent, Ajili ya fedha. Il ne sait pas. Banajitenga. L'argent est un mauvais serviteur. Feza ni mutumishi mbaya. Quand Dieu vous en donne, wakati Mungu anakupatia feza, utilisez-les avec sagesse. Uitumikishe na hekima. C'est tout. Kunaishi. Quand Dieu vous bénit, wakati Mungu anakubariki, utilisez les biens matériels dans la sagesse. Utumikishe bitu ya mukimwili na hekima. Nous allons continuer demain. Tutaendelea kesho. Mais que Dieu nous aide. Lakini Mungu atusaidie. Nous devons veiller beaucoup sur l'orgueil. Tunapaswa kukesha sana yule ya kiburi majivuno. Quand vous sentez un peu d'orgueil en vous, ukisikia tu majivuno kidogo. Moi je suis la femme d'un directeur. Moi je suis la femme d'un commerçant. Chez nous, on mange trois jours. Kwetu tunakula mara tatu kwa siku. La bénédiction matérielle n'a jamais été même une bénédiction. Baraka ya kimwili hii hakuyaka ta baraka. Quand quelqu'un a trop à manger, eko na vyakula mingi, pour montrer que c'est même pas une bénédiction, il attrape l'attention. Analukula l'attention du wala diabète. Maintenant le docteur lui dit, sasa docteur amwambi, pas plus de viande. Ushikure tena nyama. Pas trop de lait. Ushikure kunye tena maziwa. Voyez. Unaona. Toi, il faut seulement manger les cathétés, des choses amères. Il faut manger les diamants. C'est ça la bénédiction. Tu trouves quelqu'un, il regarde la viande rouge dans l'assiette. Mais le docteur m'a dit de ne pas manger la viande. Est-ce qu'il n'y a pas de petits fratins grillés? Et pourtant la viande a plus de vitamines. Il y a pour nyama et qu'on a protéines de plus que les fretins grillés. C'est ça le contraste de la vie. Oui. Tu peux avoir beaucoup de vêtements. On a ma phase mingi. Attends qu'il voit quelque chose. Tu vas pas les porter tous les jours. Tu sais quand on a beaucoup de vêtements. Mingi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Le Mungu anafanya. Il met en vous une grande négligence. Anaweka ndani yako kusula kwa mingi. Vous ne trouvez plus d'importance. Ah oui, on aime ma phase. Mais regardez celui qui a fait des vêtements. Là. Il est toujours kidogo. Propre. Dieu lui donne aussi la soif d'être toujours propre. Kiu ya kuwa msafi kila siku. C'est même qu'il n'a pas de moyens là, il veut toujours ranger son assiette. Quand il veut manger, il mange avec la poule. Pratiquement seulement une demi-boule. On a coulé tout le boule comme moi à qui pende. On a ici. C'est fini pour toi. Ça bénédiction quoi. Et maintenant Baraka, où est la bénédiction? Igualdi. Où est la bénédiction? Dans les choses matérielles, c'est la souffrance, frère. Parce que tu n'as pas habité mon kimouili ni matesso tout. Même si il y a une grande maison. On a vu déjà, il a des maisons, quatre chambres à coucher. Minene, mama, dans la VS, la maison est devenue trop grande pour moi. Trop vaste pour moi. Je vais à la boyerie, cherchez moi un locataire. Locataire quand il y a une tu vois tous ces vanités. La bénédiction réellement, c'est seulement avoir Dieu. Quand on a Dieu, on est content de ce qu'on a. On est satisfait de ce qu'on possède. Et l'envie disparaît. C'est mon frère. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière. Que Dieu ôte en nous de l'orgueil. Que Dieu nous aide à gérer ce qui tombe entre nos mains avec sagesse, avec trop d'équilibre et dans la crainte de Dieu. Prions-nous tous ensemble. Seigneur, merci.